Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Bibliothèque. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-gorge sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Pense à ça. Ni filtrage, ni censure. Nous voulons le net, libre et ouvert. Hack. De 19h à 20h. Un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, Et bonjour pour le numéro 29 de Random, avec une équipe réduite. Avec donc CLX à la technique. Et DB pour tout le reste de l'émission. C'est génial. Bon, donc 29e émission. Alors le plan sera d'abord en actualité, nous parlerons de la sortie du magazine Solit. Ouais. Je me sentais solitaire. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et à propos de la culture, il y aura le feuilleton Adopi, vu et revu de l'étranger. Ouais. Une histoire de recopie de Wikipédia dans un bouquin, on en reparlera. Et ce qui arrive à Pirate Bay et aux gens qu'il compose. En sécurité informatique, nous avons l'histoire d'un algo de chiffrage et la sécurité des réseaux GSM. Et puis bon, deux softs qui se sont fait craquer. D'abord celui du site GNU Savannah et ProFTPD. En rubrique N'ayez pas peur. Il y a le FBI qui veut en gros une loi pour accéder directement à vos données Facebook, Google et tout ça, pratique. Et un gros morceau sur Wikileaks, on en parle comme tout le monde. Hein. Il faut. Ensuite, le dossier, les deep drops, ces petites caches pour transmettre des messages et tout. Les deep drops, voilà. On va parler de ça. Et l'agenda. Et l'agenda à la fin, le tout entrecoupé de plages musicales libres sous licence Creative Commons. Que vous avez le droit de copier, de redistribuer et de parfois modifier et redistribuer des versions modifiées, le tout sans passer par l'ignoble SACEM. Bon, on démarre l'émission. C'est parti. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Hacker. Alors de l'actu du milieu hacker, c'est surtout la sortie d'un nouveau magazine électronique Underground Hacker, donc le Solit magazine numéro 1. Donc Solit avec un jeu sur la calligraphie des lettres assez intéressant, donc 50-1337, donc 5 pour le S, 0 pour le O et ainsi de suite, donc Solit magazine numéro 1. Qui est sorti il y a une semaine, il me semble. C'est un zine au format PDF, 119 pages pour 16 articles plus un éditorial, le tout sous licence Creative Commons by NC, c'est plutôt bien. Alors qui a fait ce magazine? Le comité éditorial provient notamment de la communauté Europa Security. Alors on va encore dire que je dis du mal et tout, mais bon, Zataz cité comme partenaire, Et puis, il n'y a pas de site web. Le seul lien utilisable vient de exploitdb.com. Zataz, c'est les seuls à en avoir parlé quasiment. Hein, on va essayer de donner une autre couverture que celle de l'horrible organe de presse de Damien Bancal. Ce qu'on peut dire sur ce magazine, déjà sur la forme en lui-même, le format PDF est à peu près bien exploité. Le graphisme est cool. Les copies d'écran qui sont incluses dedans permettent une visualisation assez claire, donc ça c'est assez sympa. C'est un sujet de troll quoi, un magazine en format PDF. C'est vrai que les formats TXT de tous les autres usines, c'est quand même sympa quoi. Mais moi je trouve quand même que pour une fois que c'est pas publié sous forme de texte simple, avec une différenciation vis-à-vis du reste, etc., ça apporte un peu de fraîcheur, c'est pas forcément plus mal. pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est juste une question de goût. C'est juste une question de goût, et puis pourquoi pas. Alors, par contre, bon, sur la forme aussi, les articles sont un peu... Il y en a certains que c'est chiant à les lire, parce que bon, faute d'orthographe, machin, c'est pas forcément super tip-top, mais bon, c'est un premier numéro, faut bien un début à tout, et on peut pas être parfait. Alors, par contre, sur le fond... Moi, franchement, bon, on a discuté un peu au Meeting 2600 vendredi soir. Bon, le zine est un peu moyen quand même, faut pas non plus se leurrer. C'est très orienté débutant, les articles sont peu documentés, peu intéressants du coup. Puis bon, les techniques présentées, enfin, je veux dire, bon, c'est loin d'être nouveaux trucs, c'est des trucs connus et reconnus depuis 5-10 ans. Tu parles des failles d'injection SQL ? Injection SQL, inclusion de script PHP, etc. Bon. Enfin, je veux dire, c'est des trucs connus, reconnus, etc., qui ont été discutés en long, en large et en travers. Sortir un zine avec un truc comme ça, c'est peu original. Le top du top, c'est le dernier article, qui est quand même... un article qui explique comment on utilise apt-get pour installer Compiz sous Backtrack. Bon, quand même. J'ai pas jusque-là, j'ai pas lu jusque-là. Ouais, non, mais bon, surtout, voilà, dans le cadre d'un magazine électronique underground, bon... Hacker en plus, je veux dire, bon voilà. Par contre, le contenu est diversifié. Enfin, il y a du web, il y a du kernel, il y a du Windows, il y a de l'Unix, il y a même un truc de freaking, même si bon, c'est pas génial, mais voilà, bon, c'est quand même assez diversifié. Et puis bon, on va pas bouder son plaisir. La sortie d'un zine, c'est toujours une bonne nouvelle. Sachant que bon, à part Rafale, dont on avait parlé la sortie du dernier numéro dans Random 18, c'est un peu le désert dans le milieu hacker francophone. Donc bah voilà, un magazine qui sort, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Je ferai aucun commentaire sur le groupe Facebook qui a été lancé par les gens du zine. C'est marrant, j'y pensais aussi à ça. Voilà, et les adresses email des auteurs en @msn.fr ou live.fr dans un zine qui s'appelle Solite. Bon, voilà. Mais bon, c'est facile de critiquer, c'est tout, par contre très difficile de sortir un zine en français, je suis bien placé pour le savoir. Il y a peu de monde qui s'implique, le comité éditorial, bon bah il a bien du mérite. Et puis bon, c'est un premier numéro, on va espérer que les suivants seront meilleurs. Notre culture. Notre culture, c'est la vôtre. Notre culture. Notre culture. C'est la vôtre. Et voilà, donc la séquence Votre culture, c'est la nôtre. On va parler un petit peu rapidement. On va parler de Wikileaks. On va parler de Wikileaks en long, en large et en travers après, sur tout ce qui s'est passé cette semaine sur Wikileaks. Mais bon, parmi les câbles diplomatiques qui ont été récemment dévoilés, donc il y a une semaine, par Wikileaks, certains indiquent que les États-Unis d'Amérique ont suivi de très près le feuilleton Adopi. Et en fait, même. En Espagne, le projet de loi similaire à la Adopi française a carrément été plus ou moins dicté par la diplomatie américaine pour le compte de la RIA et de la MPAA, donc les grosses structures, les gros lobbies de l'industrie du divertissement américaine qui demandent carrément à la diplomatie américaine de faire pression sur les diplomaties européennes pour que, sur les gouvernements européens pour qu'il y ait des lois... restrictive sur la propriété intellectuelle, etc. Ça va de pair avec l'ACTA, ça va de pair avec la Adopi, avec tout un tas de trucs. Il y a des révélations, par exemple, sur le projet de loi d'Advzi, qui avait été vraiment... la diplomatie américaine s'intéressait vraiment, vraiment beaucoup à la loi d'Advzi. Frank Riester, bon, il y a des choses assez intéressantes, mais on vous mettra les liens dans le résumé de l'émission, bien entendu. Un autre truc qui a fait scandale, et là, encore une fois, c'est encore un truc très très franco-français. On va parler de Wikileaks et de la réaction française à la révélation des câbles diplomatiques, mais la réaction française face à Wikipédia et l'incompréhension complète du milieu intellectuel par rapport à ce qui se passe et aux mutations sociales en cours vers la société de l'information. Donc, le 2 septembre dernier, il y a Vincent Glade qui balançait sur Slate.fr que Michel Houellebecq, dans son dernier roman en date, La carte et le territoire, qui a eu par la suite le prix Goncourt, le romancier a utilisé de larges extraits d'articles de Wikipédia, ce qui, a priori, violerait la licence des contributions à l'encyclopédie libre en ligne. Faut savoir que l'encyclopédie Wikipédia, chaque contribution à l'encyclopédie est placée sous une licence, c'est-à-dire qu'il y a un droit d'auteur qui s'applique, elles ne sont pas libres de droit. C'est pas du domaine public ou je ne sais quelle connerie qui a été racontée dans la presse mainstream. C'est une double licence, une licence GNU FDL et une licence Creative Commons by SA qui sont toutes les deux compatibles et qui peuvent être utilisées de manière l'une ou l'autre ou les deux, c'est pareil. Donc Michel Houellebecq, un auteur que j'apprécie énormément par ailleurs, pompe sur Wikipédia et bon, même si c'est pas très grave parce que c'est trois pauvres articles, mais bon, voilà, c'est quand même pas cool pour les personnes qui contribuent. Et moi, franchement, je me sens assez lésé là-dessus. Le 22 septembre, donc 20 jours plus tard, il y a une personne. C'est en fait un juriste qui a voulu se faire mousser un bon gros coup, être inoubliable dans Google et avoir son quart d'heure warolien, qui a mis en ligne le roman complet au format PDF sous licence Creative Commons by SA, en prétendant que c'est les conditions de la licence Creative Commons, puisqu'en fait c'est comme ça que ça marche normalement. Si une partie est sous licence Creative Commons by SA, alors tout le reste, à cause du SA, doit être sous la même licence ou une licence similaire, donnant les mêmes droits. Le 25 novembre, donc quand même plus de deux mois plus tard, Flammarion, la maison d'édition qui détient les droits d'auteur de la carte et le territoire, annonce son intention de porter l'affaire en justice, et finalement, le mercredi 1er décembre, Florent Galère a annoncé avoir retiré le PDF de son site web après avoir reçu une mise en demeure de Flammarion. Quand même, c'est un petit joueur. Lui, il reçoit une mise en demeure. Moi, j'en ai reçu trois de Jean-Bernard Conda et on a quand même gardé son nom dans le manifeste. Mais bon, voilà, donc ça, c'était pour le petit quart d'heure warolien de monsieur Florent Galère. Sur le front The Pirate Bay, le procès en appel des trois personnes de The Pirate Bay. Je vous lis en fait l'article, enfin je vous lis une citation de l'article de Numérama qui est paru il y a quelques jours. Les sanctions sont légèrement différentes de celles prononcées lors du premier procès, à l'issue duquel chacun avait été condamné à un an d'emprisonnement et solidairement au paiement de 3 millions d'euros de dommages et intérêts. Cette fois, les peines d'emprisonnement sont plus faibles, mais les peines financières sont plus lourdes. Tous devront payer ensemble 46 millions de couronnes suédoises, soit environ 5 millions d'euros. Ouch. Mais en ce qui concerne les peines de prison, la cour a estimé qu'il était nécessaire d'individualiser les peines au regard de leur degré différent d'implication. L'ancien porte-parole Peter Stunde a ainsi été condamné à 8 mois de prison. Le technicien Friedrich Ney a 10 mois d'emprisonnement. Et le financier Karl Lundström a 4 mois d'emprisonnement ferme. Les trois personnes devraient se pourvoir en cour suprême suédoise. Et Peter Stunde a envisager officiellement porter l'affaire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et le collectif La Quadrature du Net, dont on a beaucoup parlé également dans Random, a publié un communiqué de soutien à The Pirate Bay. Voilà. Bon, sur ce, on a fini les news liées à la culture. On va passer une petite plage musicale rapidement. Ouais. Nous allons passer. Néorine. Néorine. Taz. Featuring. Ouais, Taz. C'est un featuring avec Mary Poppins. C'est parti. C'est parti, on revient tout de suite. Ne quittez pas l'antenne de Radio Campus 106,6 FM. We'll be right back. Et c'est, on est de retour sur Random, l'émission aléatoire. C'était donc Néorim, Taz. Ouais, featuring Mary Poppins. On enchaîne sur la séquence Le Joyeux Monde de l'InfoSec avec trois news assez rigolotes. Mais la première des choses, en fait, c'est... alors, c'est un article sur lequel je suis tombé, en fait, en parcourant un petit peu, en suivant le blog de Bruce Schneier. Donc, Bruce Schneier... un des grands cryptographes, un des grands spécialistes en cryptographie mondiale qu'on ne présente plus. Et il a blogué un article de Harald Welte, qui est un Allemand qui s'implique beaucoup, enfin qui était impliqué dans le projet Netfilter IP Tables, donc le firewall du noyau Linux, et puis qui a aussi bossé chez OpenMoko, donc le téléphone portable libre, et puis qui s'est beaucoup intéressé ces derniers temps au système, à la sécurité du système GSM, donc la téléphonie mobile. De manière générale. Alors, c'est un article donc qui traite en fait du bref enfin le titre en fait c'est bref historique du retrait de l'algorithme de chiffrement A5.2 de GSM. On avait parlé en fait il y a un an en fait au moment ouais, en janvier 2010, on avait parlé du fait que l'algorithme A5.1 était cassé. Bon bah A5.2 lui il est cassé depuis bien plus longtemps. Et en fait je l'ai contacté, l'article est en Creative Commons by ND à la base, donc no derivatives, donc j'avais pas le droit de le traduire, et donc je l'ai contacté, et il a bien gentiment accepté que je traduise son texte, que je publie la traduction et que je la lise à l'antenne, donc c'est fait, et qu'il en soit chaudement remercié. D'autant plus que l'article est vraiment excellent, je vais vous en faire lecture. Donc je vous ai annoncé le titre, bref historique du retrait de l'algorithme de chiffrement A5.2 de GSM, par Harald Welte, traduction des Cerebrain. J'ai récemment voulu apprendre quand et comment A5.2 a été retiré à la fois des réseaux et des téléphones GSM. Malheureusement, il n'existait aucun article disponible en ligne traitant de ce sujet. Je me suis donc lancé dans la lecture de dizaines de rapports de rencontres et d'autres documents que j'ai pu trouver en ligne, afin de retracer l'histoire de ce qui s'est passé. Si vous ne voyez pas du tout ce dont il est question ici, l'algorithme de chiffrement A5.2 fut utilisé dans certains réseaux GSM jusque dans les années 2005-2007. A5.2 a été défini comme un algorithme de sécurité par l'obscurité, qui fut conçu dans le plus grand secret à la fin des années 80. Il fut intentionnellement rendu plus faible que son frère A5.1, qui était déjà faible. L'idée était de ne vendre des équipements A5.2 qu'aux pays des blocs de l'Est, alors que le chiffrement A5.1, qui était un peu moins faible donc, était destiné à être utilisé dans des pays d'Europe de l'Ouest. A5.2 a fait l'objet d'une ingénierie inverse et fut dévoilé à la fin des années 90. Il a beaucoup retenu l'attention de cryptographes tels que Jan Goldberg et David A. Wagner. Dans un papier datant de 1999, il s'attendait déjà à ce qu'on puisse le casser en temps réel. Il a fallu plusieurs papiers pour qu'en août 2003, les parties prenantes des systèmes GSM, donc le TSI, le 3GPP et la GSM Association, finissent par réaliser qu'il y avait un problème. Et le problème était pire que ce qu'ils pensaient, puisque la génération des clés A5.1 et A5.2 était en fait la même. Une downgrade attack, donc une downgrade attack, c'est une attaque par version rétrocompatible, c'est-à-dire une attaque qui force la victime à utiliser un protocole moins sécurisé, mais dont le support est conservé pour raison de compatibilité. Donc, puisque la génération des clés A5.1 et A5.2 était la même, une downgrade attaque semi-active peut être utilisée afin de casser rétroactivement les appels enregistrés chiffrés en A5.1. L'unique solution à ce problème était de supprimer A5.2 de tous les équipements, afin de s'assurer qu'une attaque par downgrade ne soit plus possible. A partir de 2004, les groupes de travail liés à la sécurité de 3GPP et GSMA pensèrent à retirer A5.2. Dans les années suivantes, ils convainquirent leurs entités respectives, 3GPP et GSMA, à leurs membres, enfin et leurs membres, donc opérateurs, fabricants d'équipements, de corriger ce problème. Depuis cette époque, on savait qu'utiliser la même génération de clés pour des algorithmes différents permet des attaques par version rétrocompatible, donc downgrade. Mais la génération de clés pour l'algorithme A5.3, qui était nouveau à l'époque, resta encore la même. À présent que A5.1 a été cassé ces dernières années, même si les opérateurs déploient A5.3, le même modèle d'attaque sur A5.1 peut être utilisé. J'ai réalisé une friche chronologique sur le site security.osmocom.org, qui est toujours quasiment vide. Bon. En voici quelques extraits. Premier point, il aura fallu attendre que de 1999 à 2007 pour voir apparaître une correction à ce trou de sécurité béant. Osez appeler ça une réaction à un incident. Les opérateurs nord-américains anonymes et le PTCRB furent les plus ardents opposants à la suppression du protocole de A5.2 de leur réseau. C'est particulièrement étrange dans la mesure où les opérateurs US auraient toujours dû avoir accès à A5.1. Puisqu'un cassage de l'algorithme A5.1, censé être plus sécurisé, était déjà anticipé à l'époque, les spécifications de A5.3 furent publiées en 2002. 5 ans plus tard, 2007, il n'y avait virtuellement aucun support pour A5.3 parmi les constructeurs d'équipements GSM. Il fallut attendre janvier 2009 pour que la GSMA commence à discuter du test de A5.3 avec les constructeurs de téléphones mobiles. Et il fallut attendre novembre 2009 pour voir un test d'interopérabilité d'équipements réseau A5.3 et des téléphones A5.3. Et que pouvons-nous apprendre de tout ceci ? Premier point, les constructeurs d'équipements GSM et les opérateurs de téléphonie mobile n'ont montré aucun intérêt à la correction de trous béants dans leur système de sécurité. Deuxième point, avant cette première attaque sur A5.2, ils n'avaient jamais réfléchi à des procédures pour la mise à jour de leur système entier avec de nouveaux systèmes de chiffrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle un planning proactif en cas d'incident. Troisième point, même après le désastre A5.2, ils n'ont strictement rien appris du tout. Le même problème d'attaque par downgrade de A5.1 vers A5.2 se pose à nouveau aujourd'hui avec des attaques par downgrade de A5.3 vers A5.1. Et tout cela se passe avant même que les opérateurs aient commencé à utiliser A5.3, qui est déjà vieux de 7 ans, dans leur réseau de production. Quatrième point, le groupe de travail sur la sécurité de 3GPP a suivi de très près les menaces réelles à l'encontre de la sécurité de GSM, y compris il y a 10 ans. On peut le vérifier par exemple dans la recommandation technique 33.801. Mais personne n'a voulu l'écouter. Des problèmes similaires se posent pour les algorithmes d'authentification. Il aura fallu attendre 12 ans entre les premières attaques concrètes sur COMP 128v1 et le moment où SGSMA chercha à le retirer. Donc voilà, c'était une traduction de l'article... Alors, le titre anglais, c'est A Brief History on the Withdrawal of the Ciphering Algorithm in GSM. Bref, historique du retrait de l'algorithme de chiffrement A5.2 de GSM. C'est par Arad Velte. C'était publié sur son blog en licence Creative Commons by ND. La traduction sous... l'autorisation de l'auteur et de moi. L'article sera sur le blog de l'émission. L'article traduit figurera sur le blog de l'émission ainsi qu'un lien vers l'article original. Et je remercie encore une fois Harald Velte d'avoir bien voulu nous donner l'autorisation de traduire et de lire à l'antenne son article. Un petit peu sur un article intéressant sur comment les industriels se foutent de nos gueules et nous vendent des technologies qui soi-disant sont sécurisées alors que franchement ils font n'importe quoi. Et qu'on ne devrait pas faire confiance à ces industriels-là. Et ça pose encore une fois la question de la recherche ouverte et libre et indépendante en matière de sécurité de l'information. Je passe complètement du coq à l'âne et sans transition. Je vais parler de deux piratages assez intéressants, rigolos, qui sont arrivés et qui ont touché deux grands noms du logiciel libre mondial et particulièrement la FSF, qui encore une fois s'est fait router, enfin pas router cette fois-ci, a priori. C'est GNU Savanna. Donc GNU Savanna, c'est une forge en fait, c'est-à-dire un gros dépôt de code source, avec gestion des listes de diffusion et de tout un tas d'autres trucs pour développer du logiciel, avec la condition que ça soit du logiciel libre uniquement. Alors, il y a une injection SQL dans le code de Savanna, donc le logiciel utilisé par Savagna et par GNA, un truc français de la Free Software Foundation France, qui a été utilisé le mercredi 24 novembre par des personnes qui ont ainsi gagné un accès à la base de données du site web, notamment la base de données des noms d'utilisateurs et empreintes des mots de passe. C'est open bar. Il a fallu ensuite 2 jours pour qu'un compte administrateur soit cassé par force brute, permettant un accès illégal au système. Les pirates se sont entre autres servis de l'accès ainsi gagné pour une des faces et se vantent sur leur blog en fuitant les mots de passe dans une vidéo, enfin les hachages des mots de passe dans une vidéo. Sympa. Très sympa, oui. Très sympa, très cool. A priori, les codes sources des projets hébergés n'ont pas été compromis. La FSF a publié un intéressant communiqué donnant un bon aperçu de l'évolution de l'affaire depuis l'exploitation de l'injection SQL jusqu'à la mise hors ligne du serveur pour analyse post-mortem. Ça, j'ai trouvé ça assez fair-play. Ouais, ils ont routé leur serveur par deux ou trois petits cons qui en plus derrière se vantent de leur connerie. Et en fait, plutôt que de prendre la mouche, etc., ils acceptent le fait qu'ils ont fait une connerie et ils se sont fait pirater et c'est de leur faute. Enfin, Ils ont quand même une part de responsabilité là-dessus, et donc voilà. Et ben ils ont l'intelligence d'en parler publiquement et de dire bah voilà les gars, on s'est gouré. Parce que la base de données des utilisateurs de tout le service, qui est un service utilisé mondialement, bah voilà, il y a un problème quand même. Si les banques françaises pouvaient avoir ce genre, enfin françaises et internationales, pouvaient avoir ce genre d'honnêteté. Ah ouais, mais ça ferait peur, hein. Ah mais ça ferait peur quoi, les informaticiens banquiers seraient-ils des incapables? Oh mais non. Non, pas du tout. Non. Alors un autre gros pound intéressant, c'est celui de ProFTPD. Donc ProFTPD, on en a parlé dans la toute dernière émission il y a 2 semaines, c'était un exploit Zero Day qui a été balancé dans le FRAC 67, dont on a parlé la fois dernière. Donc le principal serveur de distribution du code source de ProFTPD s'est fait pirater le dimanche 28 novembre. Le code source de la dernière version de ce célèbre serveur FTP a été remplacé par une version modifiée contenant un cheval de Troie, donnant immédiatement un accès administrateur. C'est un développeur de FreeBSD, tu vois, comme quoi, tu vois. Hein. Pendant que Gnu se fait pirater, les devs du monde BSD, eux, ils détectent des problèmes de sécurité. Bah, ils ont l'habitude en même temps. Oui, ils ont l'habitude. Alors, toi. Voilà, tu vas me la payer celle-là. Le mercredi 1er décembre a signalé, donc c'est un développeur de FreeBSD qui, le mercredi 1er décembre, a signalé le problème sur la liste de diffusion du projet ProFTPD. Le serveur compromis a été alors mis hors ligne, et une annonce officielle expliquant que le serveur avait été piraté a été diffusé quelques heures plus tard. Les développeurs expliquent qu'ils pensent que la faille exploitée est patchée dans le code source, mais le serveur de distribution du code source n'était pas à jour. Le serveur hébergeant le dépôt CVS du code source n'a apparemment pas été touché, et il n'est pas interdit de penser que la faille utilisée est peut-être celle publiée dans le FRAC 67, dont on vous parlait dans Random 28, qui n'a, elle, toujours pas été corrigée. Si on retrouve des allusions en random dans le code source de... Oui, ce serait bien dommage. Ouais, ce serait bien dommage, ouais. Bon, on va faire une petite pause musicale, alors cette fois, ce sera un peu en rupture avec ce qu'on passe d'habitude. Ça va être David TMX. Ce sera dans son album Fournée d'automne. C'est la complète des 7 nains. Ce sera ce que je vais vous passer là, est trouvable sur le site Jamendo. Putain, tu fais de la pub pour Jamendo, toi, mais arrête. D'accord. Bon, alors, je vais me racheter. Je dédicace cette chanson à tous les chômeurs qui peuvent écouter Random. Comme moi et aux chômeurs qui font Random. Top là, mon gars. Joyeux ne l'est plus vraiment, car sans emploi depuis plus de 10 ans. C'est vrai qu'un ouvrier qui bosse en souriant sent pas les louches pour tous les dirigeants. Et y'a ce bon prof qui pointe au bureau de la NPE pour trouver du boulot. Mais y'a que dalle pour les intellos, de ceux qui essayent sa chance. Tu seras laveur de carreaux, c'est simple et c'est une évidence. Ils bossent même pas les gens qui pensent, ils ne se font pas mettre avec autant d'aisance. Dormeur avait un job pépère, très haut placé parmi les fonctionnaires. Voilà qu'aujourd'hui pour le motif de ne pas dormir assez. Et pour Crachot qui vit dans la misère, le seul qui les saisit sa chance. Trouver un job c'est la galère, c'est simple et c'est une évidence. Les boss n'aiment pas les gens qui pensent, ils ne se font pas mettre. Ce pauvre timide n'ose plus se présenter aux entretiens pour se faire embaucher. Car quand on le questionne sur sa vie intime, pas de rapport avec une place en usine. Et puis il y a Tchoum, lui aussi sans emploi, qui n'a jamais été l'employé du mois, mais vite fait remercié par des âmes bienveillantes pour avoir bossé dur 20 ans dans l'amiante. Et oh, on cherche du boulot, mais en France, ça n'est pas vraiment du gâteau. Et oh, on cherche du boulot, mais en France, ça n'est pas vraiment du gâteau. Voici Joyeux qui ne l'est plus vraiment, car sans emploi depuis plus de 10 ans, un ouvrier qui bosse en souriant, ça paraît louche pour tous les dirigeants. Bravo Simplet, le seul qui saisit sa chance. Bravo Simplet, c'est simple et c'est une évidence. Voilà, c'était donc la complainte de Satnam de David CMX dans son album Fournée d'automne. C'est en licence Creative Commons. C'est en licence Creative Commons. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus, 106,6 FM, et c'est l'émission Random, numéro 29. Et on n'a toujours pas passé de jingle de l'émission Random, on n'a pas passé beaucoup. Bon, c'est pas grave. Donc là... N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. Et donc, rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance, elle va être assez énorme cette fois-ci. Bon, rapidement, on avait annoncé donc une petite news avant de parler de Wikileaks, parce que ça va être un gros morceau de l'émission. Il reste un peu moins d'une demi-heure, donc ça devrait aller, je vais avoir le temps pour un coup, je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire dans l'émission. Le FBI travaille donc sur une mise à jour et une extension de la loi sur l'interception des communications, donc la loi Clinton de 94. L'idée, elle est de disposer d'un accès direct aux informations personnelles des utilisateurs et utilisatrices des services d'entreprise comme Google ou Facebook. Donc, on sait que Google et Facebook ont été contactés par le FBI. Il n'y a pas eu de commentaire, en fait, de la part. Non, c'est juste, bon, voilà, le FBI nous a contactés, machin, machin. Et le FBI, de son côté, n'a pas spécialement cherché à commenter non plus. Donc, on n'a pas plus d'infos, mais ça reste quand même à suivre. Sachant qu'en fait, un projet de loi qui était paru à l'automne 2010, concernant tout bêtement dans les cas des services sécurisés, donc les gens qui mettent du HTTPS ou des choses comme ça, l'obligation de ménager une porte dérobée pour que les autorités puissent espionner n'importe qui, n'importe comment, sur ces services, enfin sur ces entreprises. Des abonnés au service de ces entreprises. Donc comme ça c'est cool, les choses sont claires, on veut espionner quiconque à n'importe quel moment. C'est cool, la liberté aux États-Unis et un peu partout ailleurs dans le monde. La liberté, justement, on va parler de Wikileaks, parce que ça c'est quand même un gros morceau important. Et moi, on a parlé de Wikileaks énormément depuis le début de l'émission. On en a parlé, reparlé, reparlé. Et apparemment, bon, là, ça y est, Wikileaks a dépassé le stade de truc un peu underground, un peu confidentiel ou un peu spécialisé, et a mis un gros coup de blast, et est devenu donc un truc que tout le monde connaît sur la planète. Ou à peu près, parce qu'en Afrique, ils s'en foutent un peu de Wikileaks. Ils doivent avoir d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes, oui, tout à fait. Et donc, le Cablegate. Qu'est-ce que c'est ? Le lundi 28 novembre, Wikileaks démarrait la publication progressive de 251 287 câbles diplomatiques internationaux, couvrant la période allant du 28 décembre 1966 jusqu'au 28 février 2010. Alors, câbles diplomatiques internationaux, pour les personnes qui n'ont pas compris, il faut se replacer dans le cadre de avant Internet, tout ça. Les différentes ambassades et les points diplomatiques internationaux disposent en fait, sont reliés entre elles. Grâce à un réseau qui est indépendant, et faut se replacer à l'époque du code Morse et du télégraphe. À l'époque, on disait envoyer un câble. Donc, le nom est resté. Donc, c'est en fait toutes les petites communications qui peuvent être très anodines. Aujourd'hui, j'ai mangé un cassoulet. Jusqu'à il est recherché pour tel ou tel délit ou tel non délit. Donc c'est ça un câble diplomatique, donc il est international aussi. C'est le Twitter le plus cher du monde. C'est le Twitter le plus cher du monde, ouais, tout à fait, ouais. Sauf qu'à l'inverse de Twitter, on ne fait pas de data mining sur les abonnés. Et on n'a pas non plus d'accord avec Microsoft, encore que. Parce que Twitter, bon, quand même. Les réactions internationales sont les mêmes que d'habitude. Wikileaks serait un repère de terroristes agissant au nom du totalitarisme de la transparence. Ça, c'est le terme, totalitarisme de la transparence. Alors, j'ai deux textes à vous lire là-dessus. Il y en a un intéressant qui est passé sur la liste de diffusion du Templab, que je vais essayer de vous lire. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout lire, mais... il est un peu long, mais tant pis. Donc en fait, qui a été republié d'ailleurs sur ramassi.net. Je remercie l'auteur qui nous a autorisé à le lire à l'antenne. Il s'appelle Wikileaks, la presse et le pouvoir. Donc source ramassi.net, R-A-M-A-S-S-I. wikileaks.net. Comment s'y prend Wikileaks pour mettre ses révélations à l'ordre du jour des médias de masse ? Élément de réponse. Tout simplement, Wikileaks contacte des organes de presse qui donnent le la et leur offre l'information. L'information mainstream, dans une démocratie censée être libre et pluraliste, répond en fait à un formatage subtil, disons organique. Dans tous les pays, il y a un nombre très limité de médias considérés comme des médias de référence. Tout le monde reprend par automatisme les informations que ces derniers décident de traiter. Un cran en amont, les agences de presse opèrent déjà un filtrage sévère en décidant de ce qui est important ou pas. Les cabinets de relations publiques évaluent également de façon très large en offrant des informations à la presse. Selon les études, on évaluerait en 2003 entre 40 et 70% la proportion de ces informations dans la presse. Petite 1. Wikileaks ayant su prouver de façon indéniable la solidité de ces informations, on ne peut pas les attaquer sur le mode de la théorie du complot. Encore que... Wikileaks offre ces informations aux médias de référence. Le Monde en France, The New York Times aux USA, et puis The Guardian en Angleterre et Le Spiegel, je crois, en Allemagne. Comme le ferait un cabinet de relations publiques. À partir de là, les médias dominants sont coincés. S'ils refusent de traiter les informations, ils savent qu'un autre le fera. Ils perdront des lecteurs et une partie de leur crédit, car on saura aussi qu'ils ont refusé. L'histoire du Watergate est certainement le précédent qui contraint la presse à transmettre les infos. À l'époque, le New York Times avait été contacté par Mark Felt et avait refusé de publier les informations. Peu après, elles apparaissaient en une du Washington Post. Mais c'est à l'évidence un jeu de dupe, puisque les informations divulguées par Wikileaks au sujet de l'Irak, par exemple, étaient connues dans les milieux ignorés, voire dénigrés par les médias dominants. Si le souci d'informer de façon impartiale était réel, toutes ces informations, Irak, Afghanistan, en réalité disponibles, auraient été rapportées depuis longtemps. Ce que fait Wikileaks, c'est prendre les médias dominants en tenaille entre la multiplicité des organes qui restent réels, le besoin d'attirer les lecteurs et les principes de liberté de la presse par rapport au pouvoir invoqué sans cesse. Même si elle est négligée au quotidien par des moyens subtils, cette liberté ne peut être ouvertement et publiquement bafouée. Tous ces éléments réunis, sans oublier la crédibilité des informations, force les médias de masse à relayer. C'est très bien joué. Une fois que les médias de référence sont publiés, aucune rédaction ne peut se fermer d'ignorer le sujet. L'effet de répétition se met en branle automatiquement, comme pour les autres informations abordées chaque jour. Mais il faut tout de même remarquer que les médias dominants se contentent du minimum syndical en la matière. Par exemple, en allant visiter lundi lemonde.fr, je trouve autant d'articles autour du sujet que d'articles abordant le fond des révélations. Tôt le matin, il n'y en avait carrément aucun. L'un expliquait pourquoi on publie, un autre détaillait l'embarras de Washington, un dernier résumait l'histoire. Dans un article qui explique le pourquoi on publie, le quotidien se désolidarise ouvertement de Wikileaks en reprenant la terminologie de Washington. Je cite « Informer, cependant, n'interdit pas d'agir avec responsabilité. Transparence et discernement ne sont pas incompatibles, et c'est sans doute ce qui nous distingue de la stratégie de fond de Wikileaks. » Fin de citation du Monde. Par cette petite phrase, le quotidien, en même temps qu'il affirme son allégeance au pouvoir, avoue qu'on lui force la main. Don't act. Le Monde préviendra Washington avant de publier ses articles et offrira un doigt de réponse aux autorités. Émouvant souci d'équité que l'on souhaiterait voir s'appliquer sur d'autres sujets en offrant un droit de réponse à Human Rights Watch lorsqu'on parle de guerre contre le terrorisme par exemple, ou à attaque lorsque l'on évoque une énième modernisation de l'économie. Mais il y a mieux. Le Monde explique que, je cite, Wikileaks a accepté de ne pas diffuser dans l'immédiat les 250 000 télégrammes. Seuls les mémos ayant servi à la rédaction des articles des 5 journaux seront, après protection des identités, publiés. Or, Wikileaks fournit sur son site une explication assez différente. Je cite « Pourquoi ne pas tout publier maintenant ? Les câbles provenant des ambassades seront publiés par étapes dans les mois à venir. Ça sera publié dans les mois à venir. Enfin, c'est en anglais, le petit truc est en anglais, donc... en fait, c'est dans le but de pas noyer. Enfin, je vous résume parce que j'ai pas envie de le lire en anglais. C'est dans le but, en fait. Wikileaks ne publie pas tout d'un bloc, dans le but de ne pas noyer les informations, mais de les sortir au compte-goutte, de manière à ce qu'elles puissent être analysées une par une. Parce que 250 000 câbles comme ça, avec plein de conséquences partout dans le monde, avec des gouvernements qui risquent de tomber, des têtes qui risquent de tomber dans les gouvernements, etc. Bon, bah, ça aura moins d'impact si on les publie au compte-goutte les uns après les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit déjà avec les premières révélations une semaine après. C'est donc par crainte que les médias n'escamotent le contenu des révélations que l'organisation les distille au plus court. Le Monde transforme ce choix en un cadeau que ferait Wikileaks à la presse, ce qui crée l'impression d'une forme de collaboration existante entre eux. Si Wikileaks cherche à construire de tels liens avec le dessein avoué de ramener la presse à son rôle de contre-pouvoir, force est de constater que cette dernière agit aujourd'hui sous la contrainte. C'est pour cette raison que la petite phrase du Monde est biaisée. Elle transforme en confiance la défiance qu'affiche pour l'instant Wikileaks. Cela appuie l'idée que la presse, entre guillemets, libre et indépendante, participe à cette opération de démocratie, mais en même temps, elle prend ses distances. C'est un double message que nous venons de décrypter. Aux autorités américaines, nous renouvelons notre allégeance. Aux citoyens, nous sommes les héros de la liberté d'expression. Pendant ce temps, la pression monte du côté de Washington, qui déclarait hier que ces fuites constituaient un crime grave. Menace à peine voilée de la violence qui menace les auteurs de ces opérations de transparence. Donc c'était un texte de ramassi.net. Wikileaks, la presse et le pouvoir. On avait l'autorisation de l'auteur pour le lire à l'antenne. C'est un excellent texte qu'on a trouvé. Et que l'auteur en soit remercié. Ensuite, je voulais parler également de l'hébergement de Wikileaks en France. Voilà, il y a eu une affaire un peu comme ça. Après de nombreux changements d'adresse sur le réseau, Wikileaks.org s'était posé chez Amazon, qui dispose d'une offre de cloud computing permettant de gérer de très grands nombres de connexions de ce site qui est très consulté ces derniers temps. Manque de bol, Amazon a viré Wikileaks de son réseau sans donner de vraie justification. Au fait qu'Amazon a viré Wikileaks, Théo de Roth, coordinateur du projet OpenBSD, a viré de www.openbsd.org tous les liens pointant vers les livres vendus par Amazon. Parallèlement à cela, Octopus, l'entreprise de Benjamin Zontag, a hébergé un miroir de Wikileaks pendant environ 2 mois. Ce miroir a subi une première attaque visant à le saturer ce dimanche 28 novembre, soit le jour de la publication des premiers câbles diplomatiques. C'était selon Zontag, qui on a parlé sur IRC hier, c'était un petit déni de service distribué, mais celui qui a été subi le mardi 30 novembre fut énorme. Le réseau d'AboveNet a planté et tous les liens de Yellow ont été saturés. Octopus n'héberge plus de miroir de Wikileaks depuis cette date. Une personne a alors acheté un hébergement chez OVH pour y placer un miroir de Wikileaks. Et ça veut dire qu'il y a une machine, probablement Quai de Sartel, à Roubaix, qui héberge tout ce joyeux bordel. Donc voilà. Éric Besson, le tristement célèbre ancien ministre de l'identité nationale, le chasseur de Rome à la politique raciste et xénophobe, qui a été nouvellement nommé ministre de l'économie numérique au moment du remaniement, il a demandé à ce qu'une solution soit trouvée pour interdire l'hébergement de Wikileaks en France, parce que vous comprenez, on peut pas interdire un site web comme ça, il faut une raison, et donc il a demandé à ce qu'on trouve une raison pour interdire l'hébergement de Wikileaks en France. N'importe quoi. Et alors là, il y a une réaction qui est hallucinante, mais hallucinante. On avait déjà lu une sortie de Muriel Marlan-Militello, donc député des députés de je ne sais où, sur l'internet civilisé, machin. Là, elle a publié un article sur son blog qui s'appelle Wikileaks, le pire de l'internet n'a pas droit de citer en France. Il y a une citation je vous la cite, c'est la citation de la semaine. Wikileaks n'a pas de place dans l'internet civilisé que nous devons construire. Voilà un peu où en est le gouvernement français à l'heure actuelle. Face à la pression politique, OVH a décidé de demander un jugement en référé sur la légalité ou pas de Wikileaks en France. On attend un petit peu le résultat de ce référé, mais je suis assez... OVH a carrément donné le bâton pour se faire battre, parce que le juge qui va devoir décider de la légalité ou pas de le juge des référés qui va devoir décider de la légalité ou pas d'OVH, lui... Il va avoir une sérieuse pression politique sur sa gueule. À la suite de tout ce bordel, de nombreux sites miroirs, parce que du coup Wikileaks.org est complètement indisponible partout parce qu'il se fait dosser par l'armée. Enfin, on suppose par l'armée. De nombreux sites miroirs ont donc spontanément fleuri sur Internet et pas seulement en France. Des efforts concertés qui ont abouti à la mise en place d'une procédure officielle de mise à disposition d'hébergements web gracieux pour que l'équipe de Wikileaks puisse directement charger ses données sur les miroirs et les maintenir à jour. On se retrouve sur, par exemple, wikileaks.nl/mass-mirror.html et il y a toutes les directives là-dessus et il y a déjà même une liste de sites miroirs qui ont été officialisés. Alors, le groupe des Générés Science Lead a publié un communiqué de soutien à Wikileaks s'opposant à la censure gouvernementale. Et nous avons également monté plusieurs sites miroirs en France et en Europe. Je vais juste vous lire le communiqué. Putain, il reste 12 minutes. Ça va être chaud pour le dossier sur Dead Drop, mais on va essayer de le faire. Je crois qu'on passera plus de musique. Non. Et qu'on sautera l'agenda. Donc, c'est un communiqué du groupe Dégénéré Science Lille, donc animateur de l'émission Random. Non à la censure de Wikileaks. Fondée en décembre 2006, l'initiative Wikileaks vise à fournir une structure permettant à toute personne ayant connaissance d'informations confidentielles relatives à des agissements portant atteinte aux principes démocratiques de les voir publiées sous couvert d'anonymat. C'est ainsi que l'opinion publique mondiale a pu être informée sur des sujets aussi divers que la présence militaire internationale en Irak et en Afghanistan, le débat international sur le réchauffement climatique ou encore le traité ACTA, donc un durcissement des réglementations en matière de propriété intellectuelle au niveau mondial. Un traité ACTA qui est donc négocié depuis 2007 dans le plus grand secret et la plus grande opacité par diverses instances politiques et industrielles. L'idée à la base de l'action de Wikileaks est que, dans une démocratie où le peuple détient réellement le pouvoir, l'information doit se mouvoir librement, avec pour seule limite le respect absolu de la sphère privée. Toute information doit être publique et librement accessible, sauf si elle ne concerne que des intérêts strictement privés. Ce principe mène naturellement à un projet social global qui est celui de la société de l'information, dont le cœur est une structure sociale transparente, directe et horizontale, où toute personne ou organisation, quelle que soit sa nature, est immédiatement confrontée à la responsabilité de ses propos et de ses actes. Les récentes attaques économiques, sociales, politiques et intellectuelles portées contre Wikileaks et sa démarche sont à interpréter comme la lutte désespérée de la société du secret et du contrôle pour sa propre survie. C'est dans cette optique qu'Éric Besson, nouvellement nommé ministre de l'éducation de l'économie numérique, souhaite interdire l'hébergement de Wikileaks sur le territoire français. L'ancien ministre de l'identité nationale à la politique raciste et xénophobe menée contre la liberté de circulation des êtres humains ne laisse donc aucun doute sur son opposition au principe de liberté de circulation de l'information et son appartenance à un système de pensée archaïque et nuisible à l'évolution de nos démocraties. Le groupe Dégénéré Science Lille tient à afficher un soutien franc et entier à la réflexion et à la démarche et à l'action de Wikileaks. Il participe activement à l'effort citoyen de réplication des données publiées par Wikileaks qui a déjà démarré, afin de s'assurer que Wikileaks puisse toujours être librement consulté en France, malgré la censure gouvernementale qui s'organise. D'autres actions publiques de soutien à Wikileaks sont également envisagées, comme un accès sécurisé, VPN, permettant de consulter Wikileaks malgré un éventuel couvre-feu numérique. Le groupe Dégénéré Science souhaite par ailleurs annoncer sa volonté d'ouvrir la structure mise en place pour l'occasion, donc des sites miroirs disséminés en France et plus largement en Europe, à toute autre initiative cruciale pour nos libertés qui en exprimerait le besoin. Pour la liberté de circulation de l'information, contre la banalisation des privations de liberté, c'est signé du groupe Dégénéré Science Lille en décembre 2010. Voilà, c'était donc le communiqué. Bon, alors en plus de tout ça, juste je termine, PayPal a fermé unilatéralement le compte bancaire de Wikileaks, comme ça on coupe aussi, on attaque sur la crédibilité de Julian Assange en l'accusant de viol, on attaque sur la politique, on attaque sur un axe politique et intellectuel, et on attaque également sur un axe financier en coupant le compte bancaire. En passant, Théodorat, coordinateur du projet OpenBSD, a demandé à ce que les personnes souhaitant donner de l'argent au projet OpenBSD évitent de passer par PayPal. C'était tout à l'heure sur la liste de diffusion d'OpenBSD. Alors, dernière chose à propos de Wikileaks et des révélations des câbles. Il y a eu un rebondissement dans l'affaire Google en Chine. On en avait parlé dans Random 7, Random 10 et Random 12. Le Guardian, donc média anglais, un quotidien anglais, révèle que les câbles diplomatiques classifiés secrets échangés entre les diplomates américains en poste en Chine et le secrétariat d'État d'Hillary Clinton mettent en cause un membre du Politburo du Parti communiste chinois qui n'aurait pas apprécié ce que Google a indexé le concernant. Il a tapé son nom dans Google et il n'a pas aimé ce qu'il a trouvé. Donc il a demandé au Politburo de gérer. Et toutes les attaques sur Google dont on a parlé au début de l'année 2010, bah, en fait, c'était supervisé directement par le comité politique du parti unique en Chine. Voilà. J'ai fini sur les news sur Wikileaks. Il me reste 8 minutes pour mon dossier Dead Drop. C'est un peu chaud. Filtrage d'internet et neutralité des réseaux. Oh, je t'ai planté sur ton jingle. C'est pas grave. Bon, je vais quand même faire rapidement le dossier Dead Drop, parce que c'est quand même un truc intéressant comme ça. Donc Dead Drop, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de l'artiste allemand basé à New York City qui s'appelle Aram Bartol. C'est un membre actif du FAT Lab, donc le Free Art and Technology Lab, qui est basé à New York, qui a entre autres choses présenté certains de ses travaux lors du congrès du Chaos Computer Club, c'était en 2005 il me semble. Donc son site web c'est www.datenform.de et le site web du projet Dead Drops. Dead Drops, DEADDROPS.com. Deaddrops.com. Donc le projet a été présenté en octobre 2010 à l'IBIM de New York City. L'IBIM, en fait, c'est le plus gros centre d'art numérique à visée non lucratif des États-Unis, fondé à New York en 1997. Alors il y a eu une discrète couverture médiatique en France, on trouve un article dans Libé et chez PC Impact. Moi je vais vous lire un petit peu les documentations qui sont sur Deaddrops.com, qui ont été traduites en français. La première, qu'est-ce qu'un Deaddrops ? Répondre à la première question. Alors voilà, Deaddrops est un réseau anonyme d'échange de fichiers hors ligne, de pair à pair et dans l'espace public. Il consiste en l'utilisation de clés USB, appelées Deaddrop, insérées et scellées dans des murs d'enceinte ou d'immeubles et accessibles à tous. Tout le monde est invité à déposer ou récupérer des fichiers d'un Deaddrop. Branchez votre portable, votre ordinateur portable à un mur, à une maison, à un poteau, et partagez vos données et fichiers favoris. Chaque Deaddrop est installé vide de tout contenu à l'exception d'un fichier en texte simple de description du projet, un readme.txt. Deaddrop est ouvert à participation. Si vous souhaitez installer un Deaddrop dans votre ville ou votre région, suivez les instructions d'installation puis soumettez-nous son emplacement en incluant des photographies. Je suis un artiste multimédia basé à Berlin et j'ai initié le projet Deaddrop pendant ma résidence au IBIM de New York en octobre 2010. C'est signé Aram Bartol en 2010. Alors le nom de Deaddrop vient du monde de l'espionnage, c'est ce qu'on appelle des lettres mortes, enfin des boîtes mortes, c'est-à-dire en gros on prend un endroit quelconque, un casier à la con dans les studios de Radio Campus ou je ne sais quoi, ou un tronc d'arbre avec un trou dedans, et puis on fait passer des données entre des espions d'un même pays. Donc je vais vous lire quand même le manifeste Deaddrop. Juste rapidement, et je vais pas avoir le temps de finir, tant pis. Donc le manifeste Deaddrop, parce que ça, il faut vraiment que je le lise. Deaddrop, c'est un réseau d'échange de fichiers anonymes, hors ligne, de pair à pair, dans les lieux publics. Tout le monde peut accéder au Deaddrop, et tout le monde peut installer un Deaddrop dans sa région ou dans sa ville. Un Deaddrop doit être accessible au public. Un Deaddrop à l'intérieur d'un bâtiment fermé ou dans un lieu privé avec accès limité ou temporaire n'est pas un Deaddrop. Un vrai Deaddrop est un périphérique de stockage en lecture-écriture sans logiciel spécifique. Les Deaddrops n'ont pas besoin d'être synchronisés ou connectés entre eux. Chaque Deaddrop possède son existence autonome. Un beau Deaddrop est cimenté dans un mur et ne laisse apparaître que son collecteur métallique USB type A. Il doit difficilement se remarquer. Les Deaddrops n'ont pas besoin de câbles et n'utilisent pas de technologie sans fil. Vous n'avez besoin que de vous agenouiller ou tendre votre veste contre un mur pour partager vos fichiers hors ligne. Un Deaddrops est un support USB nu, auto-alimenté, intégré dans votre ville, le seul véritable espace public. À une époque de dématérialisation massive, des échanges sur la toile et de multiplication de gadgets sans accès aux fichiers locaux, nous avons besoin de repenser la liberté des échanges de données au niveau local. Le mouvement des Deaddrops est sur la voie de ce changement. Libérez vos données dans le domaine public avec du ciment. Faites votre propre Deaddrops maintenant. Rematérialisez vos fichiers aujourd'hui. C'est signé Aram Bertol en 2010. Tout ça, c'est dispo sur Deaddrops.com. J'ai même pas eu à le traduire. Et puis je vais avoir un peu de temps pour finir le dossier rapidement. Donc, un article un peu sur la mise en place d'un Deaddrop. Alors, premier point, enfin... Deaddrop est ouvert à participation. Si vous souhaitez installer un Deaddrop dans votre ville ou votre région, veuillez suivre les instructions d'installation ci-dessous, que je vais lire ensuite, puis soumettez-nous son emplacement en incluant des photographies par le formulaire d'envoi. Donc, comment installer un Deaddrop ? Alors, premier point, lisez le manifeste Deaddrops. Deuxième point, munissez-vous d'une clé USB de n'importe quelle capacité. Troisième point, si possible, désassemblez la capsule plastique pour ne conserver que les parties métalliques et les circuits, pour obtenir une clé la plus fine possible. Quatrième point, enveloppez-la alors d'un ruban téflon pour la conserver étanche. Cinquième point, téléchargez des fichiers README et Manifesto, qu'on peut trouver en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en russe et en néerlandais. Créditez l'auteur de l'installation, indiquez la date et copiez le tout sur la clé. Sixième point, utilisez un mortier à prise rapide pour cimenter la clé dans un trou ou une fissure de mur. Septième point, assurez-vous de rendre le mur aussi propre que possible après installation. Si besoin, retouchez le mur avec de la couleur. Huitième point, assurez-vous de placer la clé de telle manière qu'elle puisse être accessible directement avec un ordinateur portable. On n'a pas tous une rallonge USB. Neuvième point, assurez-vous d'installer la clé dans le bon sens, avec les trous vers le haut et la pâte plastique vers le bas, voire photo, on mettra la photo, mais il y a deux petits trous sur la face haute d'un connecteur USB. Ouais, c'est pour éviter d'avoir ton ordinateur à l'envers lorsque tu... Ouais, voilà, c'est un détrompeur en fait. Dixième point optionnel. Vous pouvez également utiliser du mastic epoxy pour fixer la clé sur d'autres surfaces. Ça, c'est une bonne idée pour peut-être ce qu'on veut faire. La résine epoxy, c'est vraiment super, c'est isolant, ça tient bien, ça peut prendre un bloc parce qu'il faut, y a un durcisseur et une résine qu'il faut mélanger. Enfin, c'est ce que tu as mis sur ton truc radioactif, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est ce qui empêche le césium. Désolé, ça c'est une private joke du meeting 2600. 11e point, prenez 3 bonnes photos. Une photo d'ensemble du lieu de l'installation, pour qu'on puisse voir comment est votre ville. Une vue plus serrée, indiquant approximativement le lieu de l'installation, distance moyenne. Un gros plan, nous voulons voir à quoi ressemble votre dead drop. Vous pouvez également consulter les instructions de Frenzy sur instructables.com. Alors pour la soumission, donc envoyez-nous la localisation de votre dead drop, ses photos, une description ainsi que les crédits sur la base de données dead drops. Bon, c'est une première version, la base de données sera mise à jour au fur et à mesure avec plus d'options et d'infos. Alors, à l'heure actuelle, il y a 73 dead drops dans le monde, dont 2 en France. C'est donc justement la base de données des dead drops mondiaux. À Paris, il y en a un au 8 rue des Thermophiles. Il a été installé le 22 novembre 2010. Et il y en a un à Toulouse, place du Capitole. Il a été installé le 4 décembre 2010, c'est-à-dire hier. Et plus d'infos, donc deaddrops.com. Et puis il existe un canal IRC qui s'appelle Dead Drops, donc dièse Dead Drops, D-E-A-D. DROPS, c'est sur le réseau Freenode, c'est facile d'accès. Il me reste 3 secondes pour faire rapidement l'agenda. Je vais le faire, on va déborder un petit peu vite fait. Dimanche 12 décembre, donc la semaine prochaine, même heure, même station de radio, ce sera l'écho des Gnous numéro 5 sur Radio Campus. Dimanche 19 décembre, donc dans 2 semaines, rendez-vous pour Random numéro 30, toujours sur Radio Campus. Du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2010, il y aura le 27e Chaos Communication Congress, 27C3, dont on avait déjà parlé, ce sera à Berlin en Allemagne. Il reste encore des tickets, il me semble. Le 7 janvier 2010, ce sera le meeting 2600 Lille, toutes les infos sur www.2600lille.org. Samedi 5 et dimanche 6 février 2011, ce sera le FOSDEM 2011 à Bruxelles, fosdem.org/2011. Du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011, il y aura le Akito ErgoSum 2011. Toutes les infos sur akitoergosum.org. On a eu dans Random 28, donc il y a 2 semaines, l'interview de Philippe Langlois qui nous a présenté un petit peu cet événement. Et puis il y aura du mardi 10 au jeudi 12 mai 2011 Solution Linux au CNIT à Paris La Défense. Toutes les infos sur solutionlinux.fr. Il y aura probablement un stand dégénéré science comme l'an passé au CNIT, donc à ce salon Solution Linux. Il est 20h passé d'une minute. Ça veut dire que Random est terminé ? Ça veut dire que c'est la fin de Random 29. On vous donne rendez-vous donc pour Random 30 dans 2 semaines. Et puis la semaine prochaine, il y aura l'écho des Gnous, l'émission préférée des casse-cou. Et bien, on va vous laisser avec Choupa Pimento, votre émission électro préférée. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et lancez un miroir de Wikileaks parce qu'il y a vraiment besoin. A ciao, bon dimanche. Bonjour les gars. Je m'appelle Mad Martigan. Random. Faut arrêter, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors ? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité ? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible, on a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Aucune importance. Arrêtez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ?